On veut briller avec brio, on vise bien plus que le palais des arts. On va trouver nos cibles sans te faire avaler des armes. Déplacer des montagnes, balancer des troncs d'arbres. Le passé c'est trop tard, on va cavaler des heures. Dans le désert t'es seul, ton seul désert t'es celle. Quand le désir dégueule, tout ce que t'espères décède. La vie dessine des cernes, là j'suis sceptique j'desserre. J'suis pas chelou comme un flelou, j'ai le bon optique des verres. On va tout faire sans gâcher le futur. On a passé le plus dur, clôture nos phrases avec des points de suture. Merde, quitte à tout perdre, on va casser le tumulte. On a tracé plus d'une issue de secours à trop parler du tumulte. Ouais, yo yo, y'a des hauts, y'a des bas comme le yo-yo. Mais pas le néo, ça y est, j'fais pas le cogno. Et pour le pognon, risque pas les poyos. Évite le torboyo. Si tu veux pas, chez liquide. T'as pas de 4x4 Cherokee. Tu fais le bonhomme dans la rue. T'es à 4 pattes Cherokee. Dans tous les cas, y'a litige. Même sous anxiolytique. Et puis ta barbe de viking. Fini dans le plat de Ricky. T'as cru que t'es pas de Reiki. Tes maths, tes gars seraient ils. J't'ai fait du mal, pourtant l'inverse. Mon intuition l'aurait dit. Nos mots te casseraient-ils. Le contour de ta rétine. On rentre dedans et en deux temps, sache que c'est deux t'arrêtir. Pom pom. On vient arroser le public, pom pom. On compte bien cabosser le rubis, pom pom. On vient arroser le public, pom pom. On compte bien cabosser le rubis. Yo yo, y'a des hauts, y'a des bas comme le yo yo. Mais pas le nez où ça y est, j'fais pas le cogno. Et pour le pognon, risque pas les poyos. Évite le torboyo, ouais. Yo yo, y'a des hauts, y'a des bas comme le yo-yo. Mais pas le nez où ça y est, j'fais pas le cognon. Et pour le pognon, risque pas les poyos. Évite le torboyo.